c'est quand je suis plus qu'ailleurs. Mais de quoi tu parles, mon frérot, je suis comme je suis. Épreuve sur épreuve, ouais, à croire que tu maudis. Dis que tu parles mal, qu'est-ce que tu sais de nos vies. Viens, on fait la danse, ça fait sourire ton petit. Tu me chantes pour qui, j'ai foutu sur mon booty. Je dors sur mon pédo, ma gadi, mon outil. Cousin, j'en mortis, tu dis ok, c'est forti. Faut bien que je mette le plein, le 16 roule en Audi. Je mets grand lien, ma A, 46 Rossi. Ce que tu sais, le vivard, ils font les grossistes. On ne manque que bar, y'a pas d'en négocier. Bébé m'en veut pas, je déguste la vie aussi. Bah, bah, bah. Sois plus sur terre. À force d'être solidaire, j'ai fini solitaire. À force d'être solidaire, j'ai fini solitaire. Je redis dans les alentours. Je cherche les pas en cours. Je peux faire 200 par jour. Putain, putain de parcours. Putain, putain de parcours. Tu veux du buzz, faut ta fée, faut oser. Et celui qui t'a à côté, passager. Je lui dis que je l'aime quand c'est plus du rosé. Du rosé. Fais pas le vaillant, cherche pas, tu vas glisser. Oh le bâtard, il t'a niqué, c'est la risée. Alcoolisé, fond d'orthographe, normal dans mes poésies. Je serai jamais la star, je suis trop ghettoisé, ghettoisé. J'arrive nulle part, je suis sorti du mur. Jamais fait sister dans les locaux du maire. Je suis encore assez bâtard, il m'avait vu mort. Je me suis mis dans ma bulle, les hypocrites j'en ai marre. Je pourrais sonner en humeur ou en dernier Lamborghini. J'suis tombé amoureux de la gadi sans l'avoir piné. J'suis avec ma Tokyo, posé dans le maquillo. J'suis resté moi-même, tu peux me croiser dans les restes ou la Clio. J'me vois pas briller, besoin de partir loin crier. Fais du buzz, fais des soins, jour tu vas finir par trier. On parle pas de trahison, nous les traites, nous les haïssons. Ça chante, après ça pleure quand ça se retrouve dans des bails sombres. Ce soir j'oublie tout, avancer la crise. Fallait que je fasse ma trace, que je change mon adresse. Sans traceur je trace, laisse-moi le gars presse. Que tout se passe t'agresse. Sur scène j'mets le feu, cocktail molotov. Une balle dans le coffre, le single sur la top. Disque d'or, de la bud, l'illicite dans la cave. Tu viens du hood, mais t'es que tu hot. Je mets tout dans l'homme, le rap c'est dans l'âme. Jamais le Stallone. M'a vu sur les gouttes, parle de moi c'est good. Plus le temps c'est cool, et tu me dégoûtes. Plus je m'en bats les couilles, couilles. Bah, bah, bah. Avec les sous du ghetto, les assiettes et les survêtes, la vie d'ailleurs.